Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les figures de l'allégeance, les rapports de vassalité dans les réseaux d'entreprise ? Quelles sont les caractéristiques de l'allégeance que l'on peut retrouver dans la formalisation des liens entre donneurs d'ordre et fournisseurs ? Et quels sont les risques attachés aux longues chaînes de sous-traitance ? Quel est aujourd'hui le devoir de vigilance face aux effets de la gouvernance par les nombres ? S'interroge le juriste Alain Supiot. Titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, et membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, Alain Supiot analyse les grandes mutations de notre monde au regard de l'analyse juridique. Porté par la révolution numérique, il a montré dans les cours précédents que l'imaginaire de la gouvernance par les nombres est celui d'une société sans hétéronomie, où la loi cède la place au programme et la réglementation à la régulation. Mais dès lors que leur sécurité n'est pas garantie par une loi s'appliquant également à tous, les hommes n'ont plus d'autre issue que de faire allégeance à plus fort qu'eux. Chacun compte sur la protection de ceux dont il dépend et sur le dévouement de ceux qui dépendent de lui. Radicalisant l'aspiration à un pouvoir impersonnel qui caractérisait déjà l'affirmation du règne de la loi, la gouvernance par les nombres donne ainsi paradoxalement le jour à un monde dominé par des liens d'allégeance. Alors, quels sont les rapports entre entreprises dominantes et dominées et comment les États-Unis sont-ils le seul pays assez puissant pour obtenir des multinationales qu'elles se plient à certaines de ces lois ? Nous retrouvons tout de suite Alain Supiot pour la conclusion sur la structure du lien d'allégeance. Le cours que vous allez entendre ce matin a été exceptionnellement enregistré au Studio 108 de la Maison de la Radio. Pour cette dernière heure, nous allons essayer de tirer quelques premières conclusions relatives à la structure des liens d'allégeance qui nous ont occupés cette année. Ces structures que nous avons mises en lumière dans l'évolution de la relation de travail se retrouvent en effet dans les évolutions les plus récentes de trois types de rapports. Premièrement, les rapports entre entreprises dominantes et entreprises dominées. Deuxièmement, les rapports entre ce que je vous propose d'appeler des États impériaux et des entreprises dominantes, et troisièmement, enfin, entre les organisations économiques internationales et des États dominés. Je vais illustrer cette typologie par l'étude de quelques cas paradigmatiques avant d'en tirer quelques conclusions générales. Faute de temps, je laisserai ici de côté les rapports de vassalité entre les États tel qu'il se donne à voir dans les plans d'ajustement structurel ou l'action de la Troïka. Nous aurons en effet l'occasion d'y revenir l'an prochain à propos de la justice sociale internationale. Mais vous n'aurez pas de mal à comprendre en quoi elles correspondent aux deux autres types d'allégeances que nous allons examiner, d'abord entre entreprises suzeraines et vassales, et ensuite entre puissances impériales et multinationales. Donc je vais commencer par évoquer les rapports d'allégeance dans les réseaux d'entreprises. L'organisation des entreprises en réseau est un phénomène aujourd'hui bien étudié, tant en droit du travail qu'en droit des affaires. Et l'extension de ce phénomène a été mise en évidence non seulement en droit, mais aussi en sociologie. Mais ces études, souvent remarquables, ne sont pas parvenues à cerner la spécificité juridique des liens qui tissent ces réseaux. Ces liens ne se laissent réduire en effet ni à la figure du contrat, ni à celle d'un pouvoir de direction. Pour illustrer cette spécificité, nous allons étudier un cas particulièrement monstrueux, celui du drame du Rana Plaza et des suites qui lui ont été données. Les faits ont été suffisamment rapportés dans la presse pour que je puisse me contenter ici d'un bref rappel. Une entreprise bangladaise de confection installée dans la banlieue de Dhaka fournissait de nombreuses grandes marques occidentales en vêtements bon marché. Le 24 avril 2013, l'immeuble dit Rana Plaza, où était installée cette entreprise de confection, s'est effondré, faisant 1133 morts, essentiellement des femmes, des ouvrières, et 2000 blessés, dont de nombreux mutilés et handicapés à vie. Ce bilan en fait la plus grande catastrophe industrielle depuis celle de Bhopal en 1984. Selon le rapport d'enquête de l'OCDE, la veille de l'accident, des fissures avaient été repérées, laissant craindre un risque imminent. Le bâtiment avait alors été évacué. Le lendemain, sous la menace d'amendes et de retenue sur salaire, les ouvrières avaient été contraintes de regagner leur poste de travail. Le bâtiment, à vocation résidentielle, avait été construit et utilisé en violation des règles minimales de sécurité. Initialement composé de 5 étages, l'immeuble, bâti sur une zone marécageuse, s'était vu ajouter 4 autres étages sans permis de construire. Enfin, si je puis dire pour couronner le tout, un groupe électrogène était placé sur le toit du bâtiment dont les vibrations conjuguées à celles des machines auraient provoqué l'effondrement. Les vêtements fabriqués dans cette usine, qui furent retrouvés dans les décombres, portaient les étiquettes de nombreuses grandes marques occidentales, notamment françaises comme Auchan, Carrefour, Camailleux, Casino, Leclerc, italiennes comme Benetton, anglaises comme Primex et américaines, notamment Walmart. Cet accident a attiré pour un temps l'attention des médias sur l'impact social des nouvelles formes d'organisation du travail dans l'économie globalisée. La plupart des entreprises occidentales impliquées dans ce drame se réclamaient à des fins de marketing de ce qu'on appelle leur responsabilité sociale. Elles se retrouvèrent ainsi face à leur responsabilité véritable. Sous la pression des médias et des deux organisations internationales ayant élaboré des codes de bonne conduite en matière de responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire l'Organisation internationale du travail, l'OIT et l'OCDE, elles ont dû prendre des initiatives pour prévenir la répétition de ce type d'accident. Deux accords furent conclus à cette fin, l'un regroupant essentiellement des entreprises européennes et l'autre des entreprises nord-américaines. Cette affaire illustre tout d'abord l'ambivalence des effets de l'effacement des frontières du commerce pour les entreprises. Cet effacement a émancipé les grandes entreprises de la tutelle des États et leur a permis de recourir aux délocalisations et au low shopping fiscal, social et environnemental. Cette montée en puissance juridique des entreprises transnationales s'accompagne de l'asservissement des entreprises de taille plus petite qui leur sont soumises dans le cadre des réseaux qu'elles tissent à l'échelle du globe. Le revers de cette émancipation des entreprises transnationales est de les précipiter dans une sorte de vide institutionnel et de les exposer à des nouveaux risques qu'elles tentent justement de conjurer en évoquant leur capacité d'autorégulation ou leur responsabilité sociale. Tant que l'ordre juridique international fut constitué d'un pavage d'États souverains et maîtres de leurs frontières, l'action des entreprises s'inscrivait dans l'articulation du public et du privé, dont je vous ai rappelé la structure au début du cours. L'État prenait en charge ce que le digeste appelait les choses sacrées, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'incalculable, le statut des personnes, la survie de la communauté politique, la préservation des milieux vitaux. Les échanges entre particuliers pouvaient se déployer sous cette égide, selon une logique du pur calcul d'utilité, le public prenant en charge l'incalculable et le privé le calcul d'utilité. Dans un tel montage, la fameuse proclamation de Milton Friedman, selon laquelle l'unique responsabilité sociale de l'entreprise est celle de faire des profits, n'était pas très intelligente, mais elle n'avait au fond rien de scandaleux. À partir du moment où un entrepreneur obéit aux lois et s'acquitte de ses impôts, il n'y a pas de raison d'exiger de lui qu'il prenne en charge ce qu'il incombe au législateur de garantir, le temps long de la vie humaine dans ses dimensions sociales et environnementales. Cette situation demeure vraie pour la plupart des petites entreprises, mais elle ne l'est plus pour les très grandes, que l'effacement des frontières du commerce émancipe de la tutelle des États et autorise à pratiquer le low shopping à l'échelle de la planète. L'affaire du Rana Plaza est une tragique illustration des opportunités et des risques que cette émancipation représente pour les entreprises. D'un côté, elles peuvent se soustraire aux contraintes sociales et environnementales et augmenter leurs profits de façon vertigineuse en recourant par sous-traitants interposés à ce que le pape a justement appelé un travail d'esclave. En témoigne l'effondrement de la valeur relative du coût du travail de fabrication dans le prix, par exemple, d'un T-shirt sur les marchés occidentaux. 0,6%, c'est la valeur du coût du travail, soit le centième de la marge du distributeur. Mais d'un autre côté, ces entreprises se trouvent exposées au risque de devoir répondre des atteintes aux droits fondamentaux qui résultent de la surexploitation des hommes et des ressources naturelles lorsque ces atteintes sont portées sur la place publique et qu'elles ont à répondre d'images telles que celles que nous venons de voir dans le cas du Rana Plaza. Les nouvelles formes d'organisation juridique de l'entreprise, qui vont de pair avec leur internationalisation, ont donc pour elles des effets ambivalents. À la différence des entreprises de type fordiste qui intégraient toute la chaîne de production, les transnationales sont organisées en réseaux d'entités juridiques et économiques autonomes de facture typiquement féodale. Juridiquement, elles n'ont pas en principe à répondre des fautes et des risques encourus par leurs filiales, leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs. La personnalité morale fait office de pare-feu en cas d'accident. Ce montage permet, jusqu'à un certain point, de dissocier les lieux de pouvoir économique et les lieux d'imputation de responsabilité. On l'a bien vu, par exemple, dans les scandales à répétition intervenus ces dernières années en matière de produits alimentaires défectueux. Le revers de cette médaille est pour les grandes entreprises de perdre le contrôle direct des conditions de fabrication. Elles cherchent certes à en maintenir le contrôle indirect, mais celui-ci se dilue au fur et à mesure de l'extension de la chaîne des sous-traitants et fournisseurs, d'où deux conséquences préjudiciables. La première est de perdre leurs compétences techniques, en sorte que leurs vassales peuvent devenir un jour des concurrentes. C'est l'une des leçons amères de la conquête, dite conquête, du marché chinois par les firmes euro-américaines. La seconde est de s'exposer au risque de se retrouver au centre d'un scandale humanitaire ou écologique, et de voir par exemple leur marque exposée dans les médias maculée du sang des ouvrières du Rana Plaza. Dans une telle hypothèse, le pare-feu de la personnalité morale ne leur est plus d'un grand secours, car ce sont elles que l'opinion jugera responsables. Comment analyser juridiquement les liens de dépendance qui se tissent ainsi entre les entreprises? Cette question doit être posée en termes généraux, même si techniquement, cette dépendance ne se présente pas de la même manière selon qu'on a affaire à un rapport de mère à filiale, de société mère à filiale, de donneur d'ordre à sous-traitant ou de client à fournisseur. Car il y a là autant de modalités d'un même rapport de dépendance entre entreprises. La nature de ce lien de dépendance s'éclaire si on le rapproche de ce que nous a appris l'analyse des nouvelles formes de subordination au travail. L'allégeance au travail consiste, nous l'avons vu, dans l'établissement d'une autonomie dans la subordination du salarié vis-à-vis de son employeur. Le lien d'allégeance implique un engagement plus grand de la personne du salarié qui ne doit plus se contenter d'obéir mécaniquement à des ordres pendant un temps et dans des lieux fixés à l'avance, mais doit se mobiliser pleinement dans la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Il implique, en contrepartie pour l'employeur, le devoir de veiller sur les ressources physiques et mentales et la capacité professionnelle du travailleur afin de préserver ce qu'on appelle son employabilité sur le marché du travail. Ces deux dimensions se retrouvent mutatis mutandis dans les accords conclus après le drame du Rana Plaza par les grands distributeurs de la filière textile. Comme je vous l'ai dit, deux accords séparés ont été conclus, l'un européen, l'autre américain. Ce dernier est moins ambitieux et moins contraignant, et surtout il maintient soigneusement les syndicats à l'écart du dispositif de suivi de sa mise en œuvre. Je m'en tiendrai donc ici à l'accord européen, plus ambitieux, qui a été conclu le 15 mai 2013 sous les auspices de l'OIT, entre un certain nombre d'entreprises multinationales et les syndicats internationaux de la filière. Cet accord, d'une durée de 5 ans, vise à renforcer les inspections dans le domaine de la sécurité et des incendies dans l'industrie textile, à améliorer la santé des travailleurs et la sécurité professionnelle. À ce jour, il regroupe 103 marques d'acheteurs, en grande majorité européennes, et prévoit l'inspection de 1566 usines, dont la liste a été publiée en octobre 2013. Cet accord prévoit un mécanisme de règlement des différends contraignant et il poursuit 5 objectifs. La mise en place d'inspections crédibles, la prévention avec une mise aux normes des usines en matière de sécurité, la programmation de stages de formation sur le thème de la sécurité, le déploiement d'un système de communication ascendante et une garantie de transparence sur les sites audités, c'est-à-dire d'accès aux données. Les donneurs d'ordre, signataires de cet accord, se sont engagés à contribuer financièrement à sa mise en œuvre, à contribuer au financement des inspections, à la formation des inspecteurs et à la remise aux normes des entreprises. La charge financière des inspections sera répartie entre les signataires au prorata du montant de leurs commandes, le montant maximum de contribution étant fixé à 500 000 dollars américains par an et par multinationale. Voilà à peu près les données de cet accord. On trouve dans cette formalisation des liens entre donneurs d'ordre et fournisseurs les trois dimensions caractéristiques de l'allégeance. Première dimension, la consécration de la dépendance des fournisseurs, qui doivent se soumettre aux inspections diligentées par le consortium des donneurs d'ordre, qui doivent appliquer les mesures correctives prescrites par les inspecteurs et qui doivent mettre en œuvre les programmes de formation à la sécurité de leur personnel. Le tout sous peine d'une sanction économique extrêmement lourde, l'exclusion du marché représenté par l'ensemble des entreprises adhérant à l'accord, autrement dit un bannissement économique. Cette dépendance implique pour le fournisseur le devoir de se rendre transparent au donneur d'ordre. Et le devoir de se rendre transparent, c'est ce que nous avons rencontré dans le cas de la relation individuelle de travail au travers de ce rituel des entretiens d'évaluation qui accompagne le management par objectif. Deuxième dimension caractéristique de l'allégeance, la consécration de l'obligation pour les donneurs d'ordre de soutenir leurs fournisseurs afin de leur permettre de faire face à leurs obligations nouvelles. Affirmant leur volonté, je cite, de maintenir des relations d'approvisionnement à long terme avec le Bangladesh, les donneurs d'ordre s'engagent à négocier des modalités commerciales avec leurs fournisseurs qui garantissent que les usines soient financièrement à même, je cite, de respecter les exigences de sécurité découlant de la mise en œuvre de l'accord. Ce soutien peut aussi prendre la forme de soutien financier accordé par un donneur d'ordre à un fournisseur. Donc, il y a deux formes de ce soutien, telles que je viens de les expliquer. La première vise sur les prix d'achat. Le donneur d'ordre ne doit pas exiger un prix d'achat qui rendrait inévitable l'infraction aux règles de sécurité. Enfin, l'accord établit un mécanisme de solidarité financière entre ses signataires, chacun contribuant à sa mise en œuvre au prorata de son chiffre d'affaires. Combiné à l'adoption de normes communes de sécurité, cette mutualisation des audits est une véritable mesure de police sociale de la concurrence qui vise à exclure du champ de celle-ci le coût des mesures de sécurité physique au travail. Troisième dimension caractéristique de l'allégeance, c'est l'établissement d'une responsabilité solidaire à l'égard de certains tiers à la relation entre donneur d'ordre et fournisseur. L'accord permet ainsi aux salariés du fournisseur de percer l'écran de la personnalité morale de leur employeur pour saisir directement le donneur d'ordre dont il dépend. Ce dernier se voit ainsi reconnaître un droit d'immixtion dans la gestion du personnel du fournisseur en matière de garantie d'emploi pendant les travaux de mise en sécurité, de droit de retrait des situations dangereuses, d'un droit de représentation en participant à 50% dans les comités de santé et de sécurité dont la constitution est imposée par l'accord. Et enfin, un droit d'alerte et de dépôt de plainte. Ce point est particulièrement remarquable dans la mesure où la responsabilité solidaire de l'employeur direct et de son donneur d'ordre est, nous le verrons, l'un des points sensibles de ces liens d'allégeance entre entreprises. Un autre aspect remarquable de cet accord, sur lequel je n'ai pas le temps de m'arrêter ici, est le copilotage de ce programme par les entreprises donneuses d'ordre et les syndicats qui siègent à parité dans un comité de pilotage présidé par un représentant de l'OIT. Cet accord a été jugé exemplaire, aussi bien par les syndicats que par l'OIT et l'OCDE. Il l'est en effet par sa dimension internationale et par son caractère innovant, même si sa portée géographique, le textile au Bangladesh, et sa portée matérielle, la sécurité des bâtiments et la prévention aux incendies, est évidemment très limitée. En revanche, sa structure normative, telle que nous venons de la mettre à jour, est la même que celle de nombreuses dispositions de droit interne ou européen. Car les relations de dépendance entre entreprises ne sont pas l'apanage des échanges commerciaux. Apparues depuis longtemps en droit interne, elles ont donné lieu à des dispositions légales ou prétoriennes où se retrouve la même structure juridique, caractéristique de l'allégeance, et dont les composantes sont la surveillante de la vassale par la suzeraine, le soutien de la vassale par la suzeraine et enfin la responsabilité de la suzeraine pour certains agissements de sa vassale. Faute de temps, je vais me contenter d'illustrer chacun de ces points. Premièrement, le pouvoir et le devoir de surveillance. Ce pouvoir et ce devoir se trouvent déjà consacrés en droit français dans certaines hypothèses. Par exemple, en matière de travail dissimulé, où le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage doit surveiller la régularité de l'emploi des salariés par les sous-traitants. Ceci est prévu par l'article L8222-1 du Code du travail et concerne notamment le secteur du bâtiment. Autre exemple, en matière d'affrètement de navires, la surveillance par l'affréteur de la conformité du navire aux normes de sécurité est un des résultats de l'évolution de la jurisprudence et notamment de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 septembre 2012 dans l'affaire de l'Erika, qui a jugé que Total, je cite la Cour de cassation, n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en ne procédant pas au contrôle technique qu'elle avait elle-même prévu et dont la mise en œuvre lui conférait le droit de monter à bord du pétrolier Erika, d'observer les opérations de chargement et de déchargement, d'inspecter les citernes et d'accéder aux documents du navire, ce qui lui donnait un pouvoir de contrôle, non seulement sur sa cargaison, mais sur la marche du navire. Vous voyez, c'est un exemple extrêmement intéressant, pour ceux qui se souviennent de ce drame de l'Erika, où Total prétendait se laver les mains du mauvais état des bateaux qu'il affrétait, alors qu'il avait le pouvoir juridique d'aller observer si cet état était satisfaisant. Eh bien, puisque vous avez le pouvoir, vous avez le devoir et vous avez la responsabilité. Donc nous avons un cas où il y a une reconnexion, ce qui est un des problèmes essentiels qui se posent en droit contemporain, des lieux d'exercice du pouvoir économique avec les points d'imputation de la responsabilité. Donc ça, c'est le premier trait de ce lien d'allégeance, c'est le pouvoir et devoir de surveillance. Le deuxième trait, c'est le devoir de soutien. L'entreprise suzeraine doit, en certaines circonstances, veiller à la viabilité économique de sa vassale. Cette obligation a été consacrée, par exemple, je vais aussi vous donner quelques exemples en ce domaine, dans les relations entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs, par l'article L442-6 du Code du commerce. Vous savez peut-être que les grandes surfaces ont tendance à abuser, pour serrer les prix de leurs fournisseurs, d'exiger des avantages indus, sans se soucier de la viabilité économique de ceux qui leur permettent de vivre. Eh bien, cette disposition du Code du commerce réprime le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Il estime aussi abusif le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou bien d'obtenir des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente, ou encore de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords professionnels. Donc, vous voyez ici comment c'est bien l'établissement d'un lien et des responsabilités liées à l'établissement de ce lien qui est mise en œuvre à la charge des grandes surfaces vis-à-vis de leurs fournisseurs. Un autre exemple serait la jurisprudence en matière de travail dissimulé, La chambre criminelle a jugé dans un arrêt la moutonnade du 11 mars 1997. Les faits de l'espèce concernaient les relations entre un exploitant agricole et les travailleurs indépendants qui entretenaient ces vergers et embauchaient à cet effet leurs propres salariés. La Cour de cassation décide la chose suivante, je cite, « L'infraction de recours au travail dissimulé est établie dès lors que les donneurs d'ordre savaient que les travailleurs indépendants ne pouvaient tirer une quelconque rémunération à leur profit qu'en ne déclarant que partiellement les heures réellement effectuées. » Donc, le donneur d'ordre ne peut pas ignorer que les conditions économiques qu'il impose obligent à l'infraction à la loi et donc il doit être jugé responsable de cette infraction. Ce devoir d'attention se trouve aussi à l'œuvre dans les obligations d'information qui pèsent sur le donneur d'ordre à l'égard de ses sous-traitants. Une telle obligation est imposée en droit interne par l'article L23-23-16 du Code du travail, au terme duquel, lorsqu'un projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante. On peut même penser que ce devoir d'attention pourrait conduire à engager la responsabilité du donneur d'ordre dans les conséquences de la cessation d'activité de sa filiale lorsque cette cessation n'avait pas d'autre motif que l'accroissement de sa propre rentabilité au détriment de l'emploi dans la filiale. Cette solution se dégage d'un arrêt de la Chambre sociale qui concerne la fameuse affaire Goodyear-Dunlop, un arrêt de 2011, selon lequel la décision de l'entreprise de fermeture a été prise par le groupe non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée. Et la Cour de cassation estime que dans ces conditions, la Cour d'appel avait justement jugé que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de causes réelles et sérieuses. Alors, ça, c'est une décision de la Chambre sociale. La jurisprudence de la Chambre commerciale est beaucoup plus timide, mais nous savons qu'en droit du travail, que ce type de conflit de jurisprudence peut jouer un rôle dynamique dans l'évolution générale du droit. J'en viens au troisième aspect du lien d'allégeance, qui est la responsabilité solidaire. Tant en droit interne qu'en droit européen, c'est dans des cas de plus en plus fréquents qu'une société suzeraine est amenée à répondre des agissements de sa vassale. Sans surprise, c'est pour imposer le respect du droit de la concurrence que c'est ce qu'on appelle techniquement la levée du voile de la personnalité morale a été d'abord rendue possible par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt Axo Nobel du 10 septembre 2009. Au terme de cette décision, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Et la notion d'entreprise placée dans ce contexte doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Donc, vous voyez, le juge européen, s'agissant de faire appliquer les règles du droit de la concurrence, n'hésite pas à écarter les constructions juridiques constitutives du réseau pour saisir la réalité du lieu du pouvoir de décision économique. Lorsqu'une telle entité enfreint les règles de la concurrence, poursuit la Cour, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction. Donc on va pouvoir passer au-dessus de la filiale pour aller chercher la responsabilité de celle qui a imposé ces décisions. Mais l'émergence de ce que, de façon un peu approximative, on peut appeler la responsabilité solidaire dans un réseau d'entreprises se donne ainsi à voir aussi bien en matière de droit du travail que de droit de l'environnement. En droit du travail, cette solution a tout d'abord été adoptée pour lutter contre le travail clandestin, je l'ai évoqué. En cas de sous-traitance, il s'agit d'une responsabilité solidaire au sens strict du donneur d'ordre et du sous-traitant. Plus généralement, la responsabilité solidaire résulte de la notion de co-employeur dont use ou plutôt dont a usé la Chambre sociale pour permettre aux salariés d'une filiale de lever le voile de la personnalité morale et de poursuivre la société dominante. Ce sujet a donné lieu à une abondante littérature doctrinale et je ne m'y étends pas ici, si ce n'est pour noter que les conditions de mise en œuvre de la notion de co-employeur sont très strictes. En droit anglais, la technique de la responsabilité solidaire de la société mère a été récemment consacrée par la jurisprudence en matière de santé et de sécurité des salariés de ses filiales. C'est dans un arrêt de la Cour d'appel de 2012 qui a été publié et commenté par ma collègue Horacia Muirvat à la Revue critique de droit international privé de 2013. Pour résumer les faits, la filiale était amenée à manipuler des produits dangereux sans avoir le savoir technique relativement à ces produits, savoir technique que détenait en revanche la société mère. Et le juge britannique dit « c'est vous qui aviez le savoir, donc vous aviez aussi le devoir de prendre les mesures ». Ce qui évidemment ne fait pas disparaître la responsabilité propre de la filiale, mais on inclut dans le cercle de la responsabilité la société mère. En droit européen, la responsabilité solidaire du donneur d'ordre est le principal apport de la proposition de directive en cours d'adoption qui vient renforcer la protection des travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de service. Je dis en cours d'adoption, en fait, à l'heure où je vous parle, en 2018, elle a été adoptée. Et au terme de l'article 12 de ce texte, c'est la directive du 14 mai 2014, dans les chaînes de sous-traitance, non seulement l'entreprise sous-traitante, mais également l'entreprise contractante, pourront être tenues responsables en cas de non-respect de la rémunération des travailleurs détachés. Et cette responsabilité solidaire n'est imposée que dans le secteur de la construction. Mais les États membres seront autorisés à introduire des dispositions plus strictes et à inclure d'autres secteurs. Cette directive, dans son article 12.5, permet, en certaines circonstances, au donneur d'ordre de prévenir la mise en œuvre de sa responsabilité en s'imposant à lui-même des obligations de diligence de nature à éviter la réalisation du dommage. Et ce mécanisme d'intériorisation de la règle à observer est un mécanisme lui aussi en pleine expansion, ainsi que nous le verrons à propos des programmes dits de compliance, c'est-à-dire de mise en conformité. L'hypothèse visée en droit de l'environnement, hypothèse de responsabilité solidaire, est précisément celle où la société mère a de façon fautive contribué à la mise en faillite d'une filiale qui se trouve dès lors dans l'incapacité de financer les mesures de remise en état du site qu'elle occupait. Dans une telle hypothèse, peut être recherchée non seulement la responsabilité de la mère, mais éventuellement celle des sociétés dont cette mère est elle-même la filiale ou les sous-filiales. Ce dispositif figure à l'article L512-17 du Code de l'environnement. Donc vous voyez l'hypothèse, on a fait des cochonneries, abîmer la nature dans un lieu, la tentation, eh bien on organise la faillite de la société et puis on laisse l'ardoise à la collectivité. Cet article permet, là encore, de reconnecter le pouvoir économique avec l'imputation de la responsabilité. Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, conclusion sur la structure du lien de l'allégeance. L'idée avait été avancée dès 2005 dans le projet Catala de réforme du droit des obligations de ne pas s'en tenir à ce type de disposition ponctuelle. Ce projet prévoyait en effet, je cite, que celui qui encadre ou organise l'activité professionnelle d'une autre personne et en tire un avantage économique est responsable des dommages causés par celle-ci dans l'exercice de cette activité. Une règle semblable était prévue pour, je cite, « celui qui contrôle l'activité économique ou patrimoniale d'un professionnel en situation de dépendance, bien qu'agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait dommageable est en relation avec l'exercice du contrôle ». L'adoption de cette proposition audacieuse aurait donné pour base légale à cette responsabilité solidaire un vieil adage latin « ubi emolumentum ». « Ibi onus », ça veut dire « là où est le profit doit être la charge ». Elle aurait été de nature à prévenir, par exemple, l'implication d'entreprises françaises dans le drame du Rana Plaza, mais le Parlement avait reculé à l'époque face aux menaces de délocalisation. Donc cette proposition a été enterrée par le Sénat et n'a pas été reprise dans la réforme du droit de la responsabilité civile intervenue depuis lors, qui tend au contraire à restreindre autant que possible le champ de la responsabilité du fait d'autrui. Mais cette idée a ressurgi par une voie détournée dans le sillage précisément de la catastrophe du Rana Plaza. Une proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a été avancée en 2013. Rejetée par la commission des lois pour des motifs d'ordre économique, elle a été reprise en 2015 sous une forme édulcorée, adoptée en dernière lecture le 21 février 2017, mais partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Alors cette loi du 27 mars 2017 est relative, je cite, au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Elle prévoit d'obliger les sociétés françaises employant 5000 salariés en France ou 10 000 dans le monde à mettre en œuvre un plan de vigilance rendu public. Ce plan doit comporter les mesures de vigilance, je cite le texte, les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Fin de citation. Le texte adopté ouvrait au juge, adopté par le Parlement, ouvrait au juge le droit de condamner les entreprises manquant à ces obligations de vigilance à des amendes civiles qui pouvaient aller jusqu'à 10 millions d'euros. C'est cette possibilité de sanction qui a été invalidée par le Conseil constitutionnel au nom du principe de l'égalité des délits et des peines. Il n'est pas certain, cependant, que ceci suffise à casser la dynamique juridique de la solidarité dans la distribution des responsabilités au sein des chaînes de production. En effet, sous le coup du Brexit, et pour tenter d'enrayer l'hostilité grandissante du monde du travail à l'égard de l'Union européenne, le Parlement européen a entrepris de lutter contre le dumping social. À cette fin, il a adopté le 14 septembre 2016 une résolution qui contient deux dispositions relatives à la responsabilité des donneurs d'ordre. La première reconnaît les risques liés aux longues chaînes de sous-traitance, rappelle que les États membres peuvent instaurer au niveau national, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes de responsabilité solidaire, l'expression figure dans cette résolution, qui sont applicables aux entreprises locales et étrangères afin de permettre aux salariés locaux et étrangers de faire valoir leurs droits. La seconde demande à la Commission, en concertation avec les États membres, je cite, « d'examiner la nécessité d'agir au niveau de l'Union pour aborder différents aspects de l'externalisation, y compris l'extension du champ de la responsabilité conjointe et solidaire dans la chaîne de sous-traitance. » J'en viens maintenant, ayant achevé l'étude de l'allégeance à l'intérieur des réseaux d'entreprise, à un autre aspect qui est l'allégeance des multinationales vis-à-vis des puissances impériales. Le public a eu à connaître de cette pratique lors de l'affaire des 10 milliards de dollars qui ont été réclamés à BNP Paribas par la justice américaine et dont les médias français ont fait part de façon abondante. 10 milliards, c'est une somme, hein, c'est supérieur au budget de la recherche civile en France, et la BNP a payé rubis sur l'ongle. Cette affaire BNP Paribas n'était qu'un des épisodes dans une histoire plus longue, une pratique développée par les États-Unis depuis une vingtaine d'années, celle des programmes de mise en conformité, ce qu'on appelle les « compliance programs », qui sont imposés par les autorités américaines à des multinationales, qui sont presque toujours des multinationales non américaines, qu'elles soupçonnent d'avoir enfreint la loi américaine en matière de corruption, de fraude fiscale ou d'embargo de certains pays qui ont été mis à l'index par les États-Unis. Ces différentes hypothèses correspondent à autant de textes qui prévoient l'application de la loi américaine à des faits commis à l'étranger. Alors, je ne veux pas tous vous les citer, mais c'est le cas par exemple des lois Helms-Burton de 1996 ou Amato-Kennedy de 1996, prononçant les embargos contre Cuba et l'Iran, ou bien la loi Dodd-Frank de 2010 qui confère à la Security Exchange Commission le pouvoir de réprimer, je cite, « toute conduite aux États-Unis qui concourt de manière significative à la commission de l'infraction, même lorsque la transaction financière a été conclue en dehors des États-Unis et n'implique que des investisseurs étrangers ». Fin de citation. C'est aussi le cas du Foreign Corrupt Practices Act, le FPCA en bon français, tel que révisé en 1998, qui s'applique à toutes les personnes qui ont un lien de rattachement suffisant avec le territoire américain. Peut constituer un lien suffisant le fait pour une entreprise d'être cotée sur le marché américain ou bien seulement d'avoir conclu des conventions libellées en dollars. Réputant indifférente l'existence de la personnalité juridique, ces dispositions permettent aussi de percer l'écran de la personnalité morale des différentes sociétés composant une entreprise. Cette levée du voile de la personnalité juridique se retrouve dans l'équivalent britannique du FPCA, le UK Bribery Act de 2010. Comme le montre un certain nombre de recherches récentes, notamment celle du professeur Stefano Manacorda, les programmes de mise en conformité, de compliance, peuvent être spontanément mises en place par les entreprises soucieuses de se prémunir de tout risque juridique dans les pays où elles opèrent. Et ils ne sont pas seulement imposés par les États-Unis. La Banque mondiale y a recours, par exemple, pour exclure les entreprises soupçonnées de corruption des appels d'offres qu'elles contribuent à financer. Mais les États-Unis sont le seul pays assez puissant pour obtenir des multinationales qu'elles se plient à certaines de ces lois en usant de ce type de procédure. Cette politique a été décrite d'une façon tout à fait remarquable dans un petit livre publié sous la direction d'Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber, dont je vous recommande vivement la lecture. Il a été publié aux Presses universitaires de France en 2013 sous le titre « Deal de justice ». Cette nouvelle forme de justice négociée ne doit pas être confondue avec la pratique du plaider coupable, le « guilty plea ». Cette dernière se déroule en effet devant le juge, alors que ces procédures de mise en conformité servent au contraire à tenir le juge à l'écart d'une négociation bilatérale entre le parquet, le Department of Justice, et l'entreprise soupçonnée. Cette négociation est prévue par le Speedy Trial Act de 1974, qui autorise les procureurs à différer leur poursuite pour permettre au défendeur de prouver sa bonne conduite. Mais en fait, c'est sa mauvaise conduite qu'on va lui demander de confesser, en dehors de toutes les garanties normales d'une procédure contradictoire. En pratique, les choses se passent de la façon suivante. Le parquet américain reçoit des informations qui le conduisent à soupçonner qu'une entreprise a enfreint la loi américaine. Par exemple, qu'elle a commercé avec l'Iran, ou bien qu'elle a corrompu un fonctionnaire étranger pour obtenir un marché, ou encore qu'elle a aidé à frauder le fisc américain. Ces informations peuvent lui provenir des sources les plus diverses, qu'elle n'est pas obligée de dévoiler. Par exemple, d'informateurs qui peuvent, dans la grande tradition du Far West, toucher une prime proportionnelle à la sanction infligée à l'entreprise qu'ils ont dénoncée. Mais aussi, peut-on, à bon droit supposer, de la National Security Agency, la NSA, dont on sait la taille des oreilles et dont il est permis de penser qu'elle informe le parquet. Armé de ses soupçons, le parquet annonce à l'entreprise qu'il va la poursuivre devant le juge américain, à moins qu'elle ne remplisse les trois conditions suivantes. Première condition, confesser ses méfaits de la façon la plus circonstanciée dans un statement of facts qui entérine la version du parquet et que l'entreprise s'engage à ne pas contester ultérieurement. Cette ratification de la version des faits avancée par les autorités américaines ne vaut pas reconnaissance de culpabilité au sens juridique, puisqu'elle intervient non pas dans le cadre, mais sous la menace d'une procédure judiciaire. Cet acquiescement a pour effet de fixer un certain état des faits que l'entreprise va devoir ensuite renseigner lors d'une enquête interne conduite à ses frais par un cabinet de lawyers ayant la confiance du parquet. L'entreprise s'engage ainsi à se rendre totalement transparente à ses enquêteurs, qui, à la manière d'un directeur de conscience, sont à la fois inquisiteurs et défenseurs de celui qui s'en remet à eux. Le coût de cette enquête qui va consister à passer au peigne fin tous les documents et correspondances susceptibles d'avoir un lien avec les faits allégués, peut atteindre des montants faramineux, par exemple 1 milliard de dollars dans le cas de Siemens. Et ce montant s'ajoute bien sûr à l'amende transactionnelle que l'entreprise s'engage par ailleurs à payer. En effet, payer une amende transactionnelle est la deuxième condition posée par le parquet à l'entreprise soupçonnée, et le montant de ces amendes se chiffre en millions, voire en milliards de dollars. Il représente une source de revenus d'autant plus significative pour le Trésor américain qu'elles sont presque exclusivement infligées à des entreprises étrangères. Donc, dans le cas de Paribas, nous sommes arrivés à la somme de 9 milliards, comme indiqué tout à l'heure. Les autorités américaines peuvent aussi exiger que des sanctions soient prises à l'encontre des personnes physiques qui ont concouru à la commission des infractions. Le souci est ici d'éviter que la responsabilité de la personne morale ne permette à ceux qui ont bénéficié de ces méfaits d'échapper à leur propre responsabilité. Mais il y a aussi là un moyen de pression sur ces personnes pour les amener à accepter ensuite des deals qui ne sont pas de justice, mais par exemple de prise de contrôle par des sociétés américaines, de sociétés européennes. C'est l'un des enseignements de l'affaire Alstom, dans le cas français, sur lequel je vous conseille, il y a un excellent documentaire qui est en accès libre sur le net sur l'affaire Alstom et la façon dont elle a été gérée sous la présidence de M. Hollande et a conduit à la prise de contrôle par des sociétés américaines de ce secteur stratégique de l'industrie française. Donc il y a des enjeux géopolitiques, si vous voulez, derrière ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, donc, confesser ses fautes, première condition, payer une amende, deuxième condition, troisième condition, mettre en œuvre, dans le sein de l'entreprise présumée coupable, un programme de mise en conformité aux normes américaines sous la supervision d'un contrôleur indépendant, qui est la confiance du parquet, un moniteur. Mais ce n'est pas un gentil moniteur. Ce programme doit correspondre à des modèles qui sont élaborés par la justice américaine pour faciliter la mise en œuvre du droit américain conformément aux dispositions du FPCA. À la différence du mot français « conformité » qui désigne un état de correspondance à la norme, le mot anglais « compliance » désigne une procédure de normalisation, c'est-à-dire une programmation du fonctionnement de l'entreprise. Il s'agit en somme d'abolir l'écart entre la norme et l'entreprise en sorte que le fonctionnement normal de celle-ci réponde aux attentes des autorités américaines. Nous retrouvons ici tout l'imaginaire cybernétique de la gouvernance par les nombres, d'internalisation d'un programme, d'un sujet qui, dès lors, va exécuter ce programme pour atteindre ses objectifs. Comme je vous l'ai dit, de nombreuses entreprises multinationales se sont spontanément dotées, en dehors de toute poursuite de département de « compliance », qui ont pour tâche de s'assurer que toute leur chaîne de production fonctionne en conformité aux lois et règlements des pays où elles opèrent. Au regard de ces initiatives, une première particularité des programmes imposés par les autorités américaines est de s'accompagner de la mise en œuvre d'un « independent monitor » pendant toute la durée de l'accord, qui va de 1 à 4 ans. Ce moniteur doit surveiller l'application de l'accord, dénoncer tous les manquements qu'il viendrait à constater, et certifier à l'issue de sa mission que l'entreprise s'est dotée d'un programme de compliance assez robuste et fiable pour éviter la répétition des infractions. La seconde particularité consiste à indexer cette mise en conformité sur les seules exigences du droit américain. Or, ces exigences peuvent se trouver en contradiction avec le respect du droit des autres États où opèrent les entreprises. C'est notamment le cas des obligations de transparence qui peuvent, par exemple, conduire une entreprise française à devoir dévoiler à l'administration américaine des informations, par exemple de nature technique, que la loi française les oblige à tenir secrètes au titre du secret défense. Les engagements pris par ces sociétés pour échapper aux poursuites vis-à-vis du parquet américain sont consignés dans un accord de suspension des poursuites dont la signature permettra à l'entreprise d'échapper à l'engagement d'une procédure judiciaire aussi longtemps qu'elle en respecte les clauses. La menace de poursuite est d'autant plus irrésistible pour les multinationales, que leur déclenchement les frapperait de bannissement, c'est une technique qu'on retrouve donc ici, sur le marché américain jusqu'à l'achèvement du procès. Face aux multinationales dont le pouvoir de marché, le market power, ne s'exerce jamais que dans des secteurs donnés et sous l'égide des États où ils opèrent, le power market des États-Unis se présente comme un pouvoir souverain auquel on ne peut résister sans risquer la mort économique. Aucune multinationale n'a à ce jour pris un tel risque et toutes se sont soumises aux desiderata du parquet. Toutes ont donc fait acte d'allégeance aux autorités américaines et la structure juridique de ce lien d'allégeance a beaucoup de traits communs avec celle que nous avons identifiée dans les relations de travail ou dans les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants ou fournisseurs. L'exemple le plus récent, puisque je parle en 2018 de cette pratique, est bien sûr la dénonciation unilatérale par le président des États-Unis, M. Trump, de l'accord conclu avec l'Iran par son prédécesseur, M. Obama. Et on a vu à cette occasion que toutes les entreprises européennes se sont soumises non pas aux autorités politiques des pays dont ils ont la nationalité, mais aux décisions de l'autorité américaine. Donc on voit ce que signifie ce pouvoir souverain. J'ajoute que l'Union européenne pourrait disposer, si elle le souhaitait, d'un power market comparable. On aurait pu imaginer, par exemple, qu'après la crise grecque, eh bien, s'il y avait eu un parquet européen, le procureur aurait pu s'adresser à la banque Goldman Sachs, dont on sait qu'elle avait contribué à trafiquer les comptes qui ont permis à la Grèce de rentrer dans l'euro en disant « Allô, monsieur Goldman Sachs, nous apprenons par des sources fiables que vous avez très mal agi dans cette affaire, ça a coûté très cher aux Grecs, aux contribuables européens, donc il va falloir passer à la caisse, vous mettre en conformité avec le droit européen, etc. » Donc les possibilités, la puissance de marché existe, ce qui fait défaut, bien entendu, par rapport à la situation américaine dans le cas européen, c'est une tête politique capable de prendre de telles décisions. Alors, nous reviendrons l'an prochain sur d'autres enseignements de cette pratique américaine et sur les répliques qu'elle est susceptible de susciter de la part d'autres puissances économiques de taille continentale, comme la Chine, et donc, si elle voulait sortir de sa vassalité atlantique, l'Union européenne. Pour conclure ce cours, je me bornerai maintenant à quelques brèves remarques sur ce qu'on peut appeler les invariants de l'allégeance. N'être gouverné par personne, tel est l'un des rêves secrets dont la réalisation a été poursuivie depuis des siècles en Occident. Nous avions vu l'an dernier comment cet idéal d'un pouvoir impersonnel s'était déplacé depuis deux siècles, le nombre remplaçant progressivement la loi comme fondement des obligations entre les hommes. L'horizon de la gouvernance par les nombres est celui d'un univers entièrement soumis à l'empire du calcul, et ainsi purgé de tout rapport de dépendance personnelle entre les hommes. Cette année, nous avons commencé par analyser l'impact de ce nouvel idéal normatif sur l'articulation du privé et du public dans le montage juridique. Porté par la révolution numérique, l'imaginaire de la gouvernance par les nombres est celui d'une société sans hétéronomie, où la loi cède la place au programme et la réglementation à la régulation, et j'ajouterais la morale à l'éthique. Mais dès lors que leur sécurité n'est pas garantie par une loi s'appliquant également à tous, les hommes n'ont plus d'autre issue que de faire allégeance à plus fort qu'eux. Chacun compte sur la protection de ceux dont il dépend et sur le dévouement de ceux qui dépendent de lui. Radicalisant l'aspiration à un pouvoir impersonnel, qui caractérisait déjà l'affirmation du règne de la loi, la gouvernance par les nombres donne ainsi paradoxalement le jour à un monde dominé par les liens d'allégeance. Avec l'allégeance, le public et le privé ne se présentent plus comme deux plans distincts et orthogonaux. L'un vertical du public qui prend en charge tout ce qui relève de l'incalculable et celui horizontal du privé qui peut alors être conçu comme le lieu d'ajustement de calcul d'utilité individuelle. Un double mouvement de privatisation de la chose publique et de publicisation de la chose privée se déploie, qui donne naissance à de nouvelles formes de dépendance entre les personnes. C'est un point sur lequel nous reviendrons l'année prochaine de façon très paradoxale. On voit qu'il est enjoint aux États de se comporter et d'être gérés comme des entreprises, comme si l'État était des entreprises. Et d'un autre côté, on dit aux entreprises qu'elles doivent prendre en charge l'environnement, les préoccupations sociales, sociétales, etc. Donc, d'un côté, il y a une publicisation du privé et de l'autre, une privatisation du public. Pour analyser la structure de ces liens d'allégeance, nous sommes longuement arrêtés sur les transformations de la relation de travail, dont on sait qu'elle constitue depuis l'ère industrielle la matrice des autres formes de gouvernement. Cette analyse nous a permis d'identifier les deux composantes du lien d'allégeance. La première, la mobilisation d'une personne au service d'une autre. Cette mobilisation signifie que le travailleur doit user de l'autonomie qui lui est concédée par son employeur en sorte de réaliser les objectifs qu'il lui assigne. Cette autonomie dans la subordination implique que le travailleur soit rendu transparent aux yeux de l'employeur, qui doit pouvoir à tout moment mesurer et évaluer la manière dont il fonctionne. La seconde composante du lien d'allégeance, c'est le devoir qui pèse sur l'employeur de veiller à la survie économique de son salarié. Celle-ci dépend des sécurités attachées à sa personne plus qu'à son emploi, sécurité à la préservation desquelles l'employeur est tenu de concourir. Nous avons vu que ces sécurités nouvelles pouvaient être conçues et mises en œuvre de deux façons différentes, soit sous l'égide du principe de solidarité, soit sous l'égide du marché. Ce dernier chapitre nous a permis de voir qu'une structure semblable se retrouvait dans les rapports entre entreprises dominantes et dominées ou entre l'Empire américain et les multinationales. Ici encore, nous avons affaire à des liens d'allégeance qui combinent un devoir de mobilisation et de transparence de la part des entités vassales et de la part des entreprises suzeraines ou de la puissance souveraine, un engagement à veiller à leur survie économique. J'aurais pu en traiter aussi de l'allégeance entre les organisations internationales et les États, où l'on aurait retrouvé la même structure, par exemple entre le FMI et les États faibles soumis à ce qu'on a appelé des plans d'ajustement structurel, ou bien encore entre ce qu'on a appelé la Troïka en Europe, c'est-à-dire le FMI, la Banque centrale et la Commission, et les États en difficulté financière comme la Grèce, où on a vu là aussi, dans le cas de la Grèce, il a fallu qu'elle confesse ses fautes, qu'elle s'engage à un programme de mise en conformité, moyennant quoi on lui a accordé un certain soutien. Donc nous avons là, si vous voulez, la matrice d'une structure qu'on retrouve à des niveaux tout à fait différents, mais qui tous se ramènent à cette idée d'allégeance. Mais ce sont des questions sur lesquelles nous aurons certainement l'occasion de revenir de façon plus détaillée dans le cours de l'an prochain, qui sera consacré à la justice sociale internationale. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot, conclusion sur la structure du lien d'allégeance. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Alain Supiot a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en partie 2, a été publié chez le même éditeur en 2015. Documentation musicale Antoine Villoz. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous achèverons la semaine en compagnie du professeur de sciences biologiques et du système biologique Molly Przorski pour sa leçon inaugurale sur les origines évolutives des variations génétiques. Et dans quelques instants, nous retrouverons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.